Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude du chapitre 12 de Marc. Et nous continuons dans cette dernière semaine sur la vie de Jésus. Cette dernière semaine qu'on appelle la semaine de la Passion. Notre bon Père du ciel, nous sommes à tes pieds encore une fois. C'est là notre place de serviteur et de servante. C'est là notre place de sujet. Car tu es notre roi, tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Et c'est à tes pieds qu'on apprend à te connaître, c'est à tes pieds qu'on apprend à te servir. C'est à tes pieds qu'on comprend mieux ton royaume. Dirige-nous par ton Esprit Saint à travers ce texte qui va nous apprendre encore le genre de royaume que le fils de David est venu établir. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date des choses par rapport au fils de David. Et les derniers jours qu'on vient de voir ensemble, c'est qu'il a été rejeté et on cherche une manière de le piéger et de le faire mourir. Après que Jésus ait conté la parabole du vigneron ou des vignerons qui ont fait mourir le fils du propriétaire de la vigne. On a vu qu'ils cherchent un moyen de le faire périr. Et pour arriver à là, donc, ils ont commencé à l'attaquer, je peux dire comme cela, verbalement, et on essaie de le faire tomber dans un piège, on essaie de le surprendre dans ses paroles, on le tente pour qu'il tombe et qu'on puisse l'accuser, soit du côté juif ou soit du côté romain. On a vu hier que le premier groupe qui est venu, c'était des pharisiens et des hérodiens. Et ce matin, ça va être des sadducéens. Et nous allons lire ensemble notre texte à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus. Ils lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. » À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les sept l'ont eue pour femme? Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Pour qu'on comprenne un peu mieux la question des Sadducéens et la réponse que Jésus va donner aux Sadducéens, il faut comprendre un peu les Sadducéens. Les Sadducéens, une chose nous est dit ici, c'est qu'il n'y a point de résurrection. Ils ne croient pas à la résurrection, mais ils viennent poser une question, qu'est-ce qui va arriver après la résurrection? Donc, sont en partant des hypocrites, ils veulent le piéger, ils veulent le surprendre, ils veulent le tenter, ils veulent le faire périr, ils veulent le faire tomber, ils veulent le discréditer. Ils ne croient pas à la résurrection. Donc, ils pourraient poser une question beaucoup plus clair que ça, on peut dire, mais la résurrection n'existe pas parce que il a donné l'argument des sept frères et de la femme pour démontrer qu'il n'y a pas de résurrection. Mais ils veulent faire tomber Jésus, ils veulent le piéger. S'il dit qu'il y a une résurrection, il y a une gang qui va être contre lui. S'il dit qu'il y a une résurrection, il y en a qui vont être pour lui. Mais il faut comprendre autre chose aussi, que non pas seulement ils ne croient pas à la résurrection, mais ils ne croient pas à l'éternité de l'âme. Ça va nous aider à comprendre tout à l'heure, à la fin le fait que Dieu est le Dieu des vivants. Ils ne croient pas aux anges puis aux démons non plus. Donc, ils ne croient pas qu'il y a de la vie après la mort. Ils ne croient pas à l'existence d'êtres spirituels, à part Dieu. Ils ne croyaient pas non plus à la tradition des anciens, comme les pharisiens le faisaient, et les scribes, etc., etc. On va arrêter là, ça va nous suffire, cela va nous suffire pour comprendre l'argument de Jésus avec eux autres. Mais une autre chose aussi qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin, c'est que les Sadducéens étaient très impliqués politiquement parlant. C'était eux autres qui étaient les descendants des grands prêtres en général. Ils sont très impliqués au niveau du temple et de la politique autour d'Israël. Donc, encore une fois, hein, on a vu qu'hier, on n'aurait pas dû mélanger le politique, économique et le côté spirituel, mais les Sadducéens étaient par-dessus la tête de ces deux choses-là. Très impliqués politiquement, mais aussi très impliqués au niveau du temple, donc spirituellement ou religieusement. C'est des hommes aussi très instruits, très érudits, donc qui ont un impact socio-intellectuel, si je pourrais dire de même, sur Israël. Ils font partie de la haute sphère des gens érudits, donc on a tendance à leur faire confiance parce qu'ils sont très instruits. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une autorité aussi religieuse parce qu'ils sont en grande partie dans les familles des grands prêtres, donc des Lévites de la famille d'Aaron. Donc, sachant leur implication politique, économique et religieuse, et connaissant un peu mieux leur doctrine qui ne croit pas à la résurrection, qui ne croit pas à l'éternité de l'âme et qui ne croit pas à des êtres spirituels qui vivent dans l'au-delà, ça va nous aider à comprendre la question et l'argument de Jésus. Donc, ces hypocrites-là, au verset 19, font la même connerie, si je peux dire, la même hypocrisie que les pharisiens et les hérodiens. Ils l'appellent « maître ». Et là, il en invoque la loi de Moïse. Moïse a dit que il faut emmener une postérité à l'homme qui est mort. Donc, si un homme se marie et qu'il meurt avant d'avoir une postérité, donc d'avoir des enfants, le frère doit marier sa belle-sœur, je peux dire ainsi, afin de donner une postérité à son frère. Il sait ce que la loi dit. Mais, il dit, admettons qu'il y a quelqu'un qui a 7 frères et il y a le plus vieux se marie et il meurt sans laisser de postérité. Et le deuxième la marie et meurt sans laisser de postérité, ainsi de suite pendant les 7. Et à la fin, la femme meurt. Donc, à la résurrection, quel homme va l'avoir pour femme? Parce qu'ils l'ont eu toutes les 7 comme femme. Et il n'y a pas un qui est privilégié parce qu'il n'y a pas eu d'enfant avec aucun des 7. Donc, il pense ainsi coincer Jésus. Il pense coincer Jésus. Il pense que les gens vont s'apercevoir que la résurrection, ce n'est pas vrai. Ça ne fait pas de sens. Parce que là, à la résurrection, qu'est-ce qui va arriver de cette pauvre femme qui a eu 7 maris? Va-t-elle vivre l'éternité avec 16 hommes? Ils veulent faire sortir un peu le ridicule de la situation. Donc Jésus, à partir du verset 24, va donner sa réponse. Et là, il leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez deux choses. Vous ne comprenez pas deux choses. » Vous êtes dans l'erreur, dans votre façon de comprendre la résurrection. Vous avez rejeté la résurrection à cause de deux erreurs. Vous ne comprenez pas le royaume de Dieu à cause de deux erreurs. Un, vous ne comprenez pas les Écritures. Les Écritures, pour eux autres, c'était l'Ancien Testament. Vous ne comprenez pas les Écritures. Deux, Vous ne comprenez pas non plus la puissance de Dieu. Donc, la réponse va contenir ces deux éléments-là. Si vous aviez bien compris les Écritures, vous croiriez à la résurrection. Si vous compreniez la puissance de Dieu, vous accepteriez la résurrection et pourriez répondre à votre question. Même si c'était un cas hypothétique, même si ce serait un cas vrai, vous pourriez répondre à votre question. Vous-même. Donc, il dit, vous ne comprenez pas l'Ancien Testament et la puissance de Dieu. Et automatiquement, vous ne comprendrez pas non plus le Nouveau Testament, si je peux dire ainsi. Vous ne comprenez pas le nouveau royaume qui est en train d'établir. Vous ne comprenez, vous n'avez pas bien compris l'ancienne alliance. Donc, vous ne comprendrez pas bien non plus la nouvelle alliance. Là, il leur dit, premièrement, à la résurrection des morts. Donc, Jésus, lui, il n'est pas hypocrite. Donc, lui, il parle de la résurrection des morts parce qu'il va en avoir une. Donc, ceci devrait nous suffire. Jésus a dit qu'il y aurait une résurrection des morts. Même si on ne comprend pas tout comment ça va se passer, on devrait le croire sur parole, parce que Jésus a dit qu'il va y avoir une résurrection des morts. Mais à la résurrection des morts, les hommes ne prennent pas de femmes, ni les femmes de mari. Ils seront comme les anges dans les cieux. Ah! À la résurrection, pas de mariage. Donc, ça n'a pas d'importance combien d'hommes et de femmes que tu as eu avant. Il n'y aura pas des 70 vierges là-dedans, là. Hein? Pour un homme qui meurt martyr. Ça n'existe pas, ça. Jésus ici, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. À la résurrection des morts. Puis les Juifs comprenaient que la résurrection des morts accompagnait le royaume de Dieu. Donc Jésus dit, il va y avoir une résurrection. Et dans le royaume de Dieu, dans ce nouveau ciel, nouvelle terre, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme qui se marie. Ils vont être comme les anges dans les cieux. Donc, déjà là, Jésus dit que les anges existent. Les Sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait des anges, bons ou mauvais. Jésus dit, il y a des anges. Et les anges ne se multiplient pas, les anges ne se marient pas. Donc, les hommes et les femmes, on ne va pas devenir des anges. Mais il prend les anges comme exemple. Si les anges ne se marient pas et qu'ils vont vivre pour l'éternité, les hommes et les femmes qui vont ressusciter vont plus entreprendre de relations de mari-femme, de conjoint. Donc, dans le ciel, le mariage n'existera plus. Parce que le mariage, fondamentalement, avait un besoin terrestre et n'ayant plus besoin de se reproduire dans les cieux, dans le nouveau ciel, nouvelle terre, on ne parle plus d'hommes et de femmes. Ça, c'est la première facette de la réponse. Donc, il va y avoir une résurrection, et peu importe comment tu as vécu avant de mourir, avant la résurrection, là qu'on parle de relations d'hommes et de femmes, ceci va être changé parce que Dieu va emmener les hommes et les femmes à vivre autrement. Et je crois que personnellement, que la résurrection va me donner un corps qui va s'adapter à ce nouveau genre de vie-là. Je ne vais pas revenir avec un corps avec les mêmes besoins, puis que Dieu va me mettre dans une situation-là où ces besoins-là ne pourront pas être comblés. Mais Dieu, à la résurrection, à cause de sa puissance, va me donner un corps nouveau et glorifié qui va vivre très bien et en harmonie entre hommes et femmes sans être conjoint et marié, ou la sexualité, ou peu importe. Je crois que mon corps n'aurait plus ce besoin-là. Parce que Dieu va avoir la puissance de me faire un corps qui va s'adapter au nouveau royaume dans lequel nous allons vivre. Donc, le royaume n'est pas quelque chose de terrestre, comme les Juifs pensaient, avec les mêmes principes que si on va juste améliorer, on va mettre un système politique différent, puis on va vivre sur la terre, et on va encore avoir des conjoints, puis on va avoir encore des femmes, puis on va avoir ici, puis on va avoir... Non, non, il dit, dans le nouveau royaume que moi j'établis, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas hommes et femmes, mais on ne prendra plus d'hommes et de femmes comme mari ou conjoint. Puis là, il amène une autre vérité au verset 26. Il dit, vous n'avez pas bien compris non plus ce que Moïse a dit. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les gens ne meurent pas, l'âme est éternelle. Parce qu'il a dit, par la bouche de Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. » Je suis, pas j'étais pendant qu'il était sur la terre, je suis encore aujourd'hui leur Dieu. Donc Abraham, Isaac et Jacob sont encore vivants, même s'ils sont morts. Parce que quand Dieu a dit ça à Moïse, Abraham, Isaac et Jacob étaient morts. Donc, je suis leur Dieu encore aujourd'hui, même s'ils sont morts. Donc, si vous compreniez que ceux qui sont morts sont encore vivants, mais spirituellement, vous comprendriez bien que, et vous accepteriez mieux le fait qu'il va y avoir une résurrection pour emmener ces gens-là déjà morts à vivre dans les nouveaux cieux, nouvelle terre avec un corps glorifié. Donc, leur manque de compréhension du royaume de Dieu que Jésus, le fils de David, va établir, vient du fait qu'ils n'ont pas compris les Écritures de l'Ancien Testament et non plus la puissance de Dieu. Et je vous dis encore aujourd'hui qu'il y a des milliards de gens qui ont fêté Pâques la semaine passée, mais qui ne croient pas à la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont des cocos. C'est pour ça qu'ils ont des lapins et des boules à chocolat à place d'avoir un Jésus ressuscité. Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures de l'Ancien Testament et la puissance de Dieu, ils disent que la résurrection est impossible. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas la résurrection qu'ils rejettent, c'est la parole de Dieu qu'ils rejettent. C'est la parole de Dieu qu'elle rejette. C'est Dieu lui-même qu'elle rejette. Dieu nous avait averti que ce serait comme ça dans les Écritures. Il avait annoncé dans les Écritures que l'âme était éternelle. Il avait dit qu'il y avait des anges et des démons, qui étaient des anges déchus. Il a parlé que les gens vivent après la mort, comme Abraham, Isaac et Jacob. Et qu'il ressusciterait ces gens-là pour faire partie du royaume de Dieu dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Parce que Dieu est puissant pour ressusciter les morts, peu importe combien ça fait de millénaires qui sont morts. La puissance de Dieu est capable de faire cela. Si Dieu était capable de créer le monde à partir de rien, même s'il ne reste plus rien d'Abraham, il est capable de ramener le corps d'Abraham et lui donner son corps ressuscité, glorifié, et qu'Abraham va vivre dedans ce corps-là, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, et nous autres aussi. Donc, le royaume de Dieu n'était pas ce qu'il pensait, ce que les Sadducéens pensaient. Le royaume de Dieu est basé sur les Écritures et sur la puissance de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir fait comprendre encore une fois qu'il n'y a rien d'impossible à ta puissance. Et le royaume de Dieu que le fils de David met en place est selon les Écritures, non pas selon notre imagination, non pas selon nos désirs, nos envies. Mais le royaume de Dieu va être selon les Écritures. Et rien n'empêche que tu mettes en place ce royaume parce que tu es un Dieu tout-puissant. Amen.